tu t'appelles Gabriel et tout le monde t'appelle Gab, Gabi, Gabouille, Gaga même. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1943-1944, Marcel Carné et le tournage des Enfants du Paradis. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. En entendant ces mots signés de Jacques Prévert, tous ceux qui ont vu Les Enfants du Paradis de Marcel Carné se souviennent d'Arletty, alias Garance, majestueuse, qui déambule sur le boulevard du crime et réussit à se débarrasser d'un dragueur en chapeau haute forme qui n'est autre que Pierre Brasseur, alias Frédéric Lemaître. Chef-d'œuvre du réalisme poétique, considéré comme un des plus grands films du cinéma mondial, Les Enfants du Paradis, qui connut un immense succès dès sa sortie en 1945, raconte l'histoire d'amour, un amour impossible bien sûr, entre la belle Garance et Baptiste, le mime joué par Jean-Louis Barrault, dans le Paris des années 1830. Mais c'est de la naissance des Enfants du Paradis et de son tournage que nous allons parler ce soir. Un film imaginé par un quatuor exceptionnel, Carné, Prévert, Troner et Cosma, et tourné dans le contexte tragique de l'occupation. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Philippe Morisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et collectionneur, un passionné fou de l'œuvre de Marcel Carné, je crois. Exactement. Vous êtes d'ailleurs programmateur d'un festival, Festival Paradisio, festival de cinéma de patrimoine. Quelle place les Enfants du Paradis occupent justement dans votre passion de Carné? Vaste question. Question, oui, c'est sûr. Au début, j'étais un peu perturbé par ce film. Ah oui. Sa longueur, le côté historique, le côté historique, voilà. Donc j'ai eu un peu de mal au début à me faire au film, et puis après, à force de le revoir, de faire des recherches sur la carrière de Marcel Carné, sur ce film, évidemment, évidemment, on se prend de passion et on se rend compte que tourner un film pareil dans la période la plus sombre, je pense, de l'histoire du cinéma français, c'est quelque chose qui continue toujours à être incroyable. On se demande, mais comment ils ont réussi à faire un film pareil, ouais, avec une telle ambition. Une distribution magnifique. Oui, Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, voilà, même Maria Cazares, qui, oui, a un petit rôle. Son premier film. Oui. Alors, l'histoire que je vais raconter ce soir commence en octobre 1942, quand Marcel Carné, donc le réalisateur, qui est alors dans le Midi de la France, va, avec Jacques Prévert et Jean-Louis Barrault, imaginer le projet des Enfants du Paradis. Mais pourriez-vous d'abord, Philippe Morisson, nous rappeler qui est Marcel Carné en 1942? C'est déjà un réalisateur connu qui, oui, a déjà une longue filmographie derrière lui. Oui, en 1942, donc Marcel Carné, il vient de sortir Les Visiteurs du Soir, enfin ça sort en décembre 42. C'est un très gros succès pour l'époque. Donc là, il est devenu un réalisateur vraiment très important en France, malgré son jeune âge, parce que je le dis toujours. Mais quand il a commencé à faire des films, il avait 30 ans. Et quand Les Enfants du Paradis sortent, il a moins de 40 ans, il a 39 ans. C'est donc c'est un jeune cinéaste, en fait, qui a débuté en ayant de gros succès. Le Quai des Brumes, il a eu le prix Louis de Luc. Et c'est vraiment un cinéaste reconnu qui fait partie des plus importants cinéastes. Et c'est pour ça que lorsque pendant la guerre, les Allemands ont créé la Continentale, leur société de production pour produire des films, ils ont voulu tout de suite engager Marcel Carné pour avoir un nom important comme d'autres. Et donc, lui, il va refuser. Et Jacques Prévert, donc, il y a cette équipe, hein, Jacques Prévert, le scénariste, Alexandre Troner, le décorateur, et Joseph Cosma, et c'est aussi, le musicien, le compositeur. Voilà, c'est aussi des collaborateurs réguliers avec lesquels travaille Carné. C'est une amitié, Carné, on peut, voilà, le dire. Hein, et depuis, Prévert, ils se sont rencontrés en 1936, donc sur Génie. Et puis, ils ont continué, sauf pour Hôtel du Nord, où Prévert n'était pas en France à ce moment-là. Et donc c'est une collaboration très fructueuse parce qu'on voit que en fait que Carnet a réussi à bien cadrer un peu le côté anarchique de Prévert. Parce que quand on voit Les Enfants du Paradis, c'est le deuxième donc scénario que Prévert écrit pour Carnet, scénario dialogue. Et avec, alors là, il s'est surpassé parce que c'est le scénario, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont tous très bien écrits. Donc c'est une collaboration qui a son apogée. Donc on est en octobre 1942, je l'ai dit, 2 ans que la France est occupée, que le régime de Vichy et sa révolution nationale ont été mis en place, les Juifs sont raflés, déportés, hein, les résistants aussi. On est dans ce contexte politique et à la fois économique. À quoi ressemble la production du cinéma français ? Alors à ce moment-là, le cinéma français, comme vous l'avez dit, bon, on en parlait tout à l'heure, il y a la Continentale, qui est la société de production allemande, qui produit une trentaine de films pendant la guerre, sur les 220 qui vont être produits en France. Et puis il y a différents producteurs, il y a Pathé et d'autres. Le cinéma français dans ces années-là, évidemment, va être un cinéma évidemment plus de divertissement, d'évasion. On va aussi beaucoup adapter Simenon, donc pour des films policiers, évidemment évidemment pour les raisons qu'on comprend aisément. Donc pas de avec une censure forte. Avec une censure très forte, oui, exactement. Philippe Morisson, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette discussion. Oui. Tout de suite, 1943-1944, Marcel Carnet et le tournage des Enfants du Paradis, un texte de Pierre Lorimi, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Christophe Hoquet. Les couchettes sont dures en ces trains de nuit. Et la guerre n'arrange rien. Ils ont oublié la couverture. Mais je ne suis pas mécontent de quitter pour quelques jours la capitale, son ciel plombé et ses croix gammées. La Méditerranée me fera du bien. Après le gros succès des Visiteurs du Soir cet été, je sens bien qu'André Paulvé est impatient de remettre ça. J'ai carte blanche pour un film à grand spectacle. Jacques est partant. C'est le 4e qu'on fera ensemble. On change pas une équipe qui gagne. Mais il nous faut un sujet qui tienne la route. Pour l'instant, on tourne en rond. Un film en costume, une épopée. Continuer à faire des films quand tout s'assombrit, est-ce que ça a encore du sens ? La réponse est peut-être au bout du tunnel. Octobre 1942. Marcel Carnet a 37 ans et 6 films à son actif. Cinéaste populaire, il sort conforté par le récent succès des Visiteurs du Soir, produit par André Paulvé, propriétaire des studios de la Victorine à Nice, avec lequel il s'est engagé à faire 2 autres films. Le réalisateur s'est débrouillé pour ne pas honorer son contrat avec la firme allemande Continental Film et garder sa liberté. Mais il doit trouver une nouvelle idée de scénario, un sujet original, de préférence historique, afin d'échapper à la censure allemande et de Vichy. Il retrouve pour quelques jours Jacques Prévert, installé en zone libre. Il se donne rendez-vous à Nice, sur la promenade des Anglais. Bon, je résume. L'adaptation de Nana Zola, on oublie. La lanterne magique, notre histoire de projectionniste ambulant qui voyage dans le temps, moi ça me plaisait. Mais le fantastique fait peur aux producteurs. Et Paulvé attend une fresque historique. On a quoi d'autre en magasin ? J'ai pensé à la vie de Milord Larsouille, un sacré personnage. Fameux pour ses excentricités pendant le carnaval de Paris, au siècle dernier. Ah. Pierre Brasseur le jouerait à merveille. Excellente idée. Oui, mais Larsouille, c'est l'étalage du luxe. Par les temps qui courent, ça friserait l'indécence. Oh, t'as raison, on n'est pas plus avancé. C'est pas Barreau là-bas, à la terrasse du café ? Je l'ai pas revu depuis drôle de drame. Hé, hey, Jean-Louis ! Jacques ! Comment ça va ? Marcel. Ça va ? Mais qu'est-ce que tu fais à Nice ? J'accompagne Madeleine. Elle tourne en ce moment avec Grémillon. Vous avez le temps de boire quelque chose ? Et comment ? Vous prenez quoi ? C'est moi qui invite. Un petit blanc. Un café. Garçon ? Un café et un verre de blanc, s'il vous plaît. Merci. Et vous ? Qu'est-ce qui vous amène par ici? Nous, on médite et on rame face à la Méditerranée. Bientôt sur les écrans, le nouveau mystère Carnet Prévert. Mystère, c'est le mot, on sèche. T'aurais pas une idée? Revenez au théâtre, c'est là que tout commence. L'amour et le théâtre. En ce moment, je me passionne pour l'un des maîtres de la pantomime. Jean-Gaspard Baptiste de Bureau. Je lis tout sur lui, sa vie est folle. Un jour, de Bureau se balade avec sa femme sur le boulevard du crime. Un gars les agresse. De Bureau se défend à coups de canne et paf, le type tombe raide mort. Deux mois plus tard, le tout Paris accourt aux assises. Tout le monde voulait entendre la voix du célèbre ministre. Elle est formidable cette histoire, le boulevard du crime. L'atmosphère exaltée des théâtres, les battleurs, les montreurs de puces savantes, les marchands d'oubli, les diseuses de bonne aventure. Ça ferait une fresque bigarrée et tourbillonnante. On tourbillonne pas trop, Marcel. La pantomime, c'est passé de mode. Et au cinéma en plus. Elle est où la nouveauté? J'y crois pas, moi, cette histoire. Attends, à la même période, dans ces années 1830, sous la Restauration, il y avait le grand comédien Frédéric Lemaître. Oh. Avec deux bureaux, c'était la confrontation du mime et du théâtre, du muet et du parlant. Il y avait aussi un certain Lassner, poète et assassin, qui défrayait la chronique. Ah, là, tu m'intéresses. Si vous faites le film, je vous suis. Jouer deux bureaux, c'est mon rêve. Voilà ce que je vous propose. Dès que je rentre à Paris, je fais des recherches historiques et on voit si ça marche ou pas. Moi, ça me va. À deux bureaux? À Lassner. Au boulevard du crime. Ce que j'ai déniché au musée Carnavalet va au-delà de mes espérances. Je ne regrette pas les longues heures passées sous les lampes tamisées. Je me suis fait pourtant quelques frayeurs le soir, juste avant le couvre-feu. Avec l'ombre portée des patrouilles sur les murs, on aurait dit un film de Murnau. La tête de Jacques quand je lui ai étalé sur son bureau les dizaines d'estampes, de gravures, de portraits du boulevard du crime. Tout le film est là. J'ai vu ses yeux s'illuminer. C'est un visuel, Jacques. Il avait déjà les rôles pour Arletty, Brasseur, Barreau. Reste maintenant à convaincre Paul V. J'ai rendez-vous demain au Negresco. Ça n'est jamais gagné avec un producteur. Bien, bien, bien. Je vous sers un scotch? Vous en avez? Même par ces temps tourbés, rien d'impossible. C'est du vrai, d'Écosse, parachuté. Mais chut. Poursuivez, je vous écoute. Lassner, dans l'ombre, surveille son monde. Un dandy fortuné entre dans la ronde. Tous sont épris de la même femme, jouée par Arletty. Hein? Une autre femme est jalouse. Leurs destins vont se bousculer, tels des funambules sur le fil de leur vie. De la glace? Oui, merci. Quelques années plus tard, De Bureau s'est marié. Frédéric est devenu un acteur célèbre. La belle est la maîtresse du dandy. Une cage dorée et s'ennuie. De Bureau attire les foules. Il y a une révélation. Un crime. Nos amoureux se retrouvent une dernière nuit. Le final a lieu en plein carnaval. Voilà l'idée. Un grand spectacle populaire, 4 mois de tournage, une affiche 5 étoiles, Prévert au scénario, Tronner au décor et Cosma à la musique. Hubert à la photo. Écoutez, je suis un homme de chiffres, mais je sais reconnaître une bonne histoire. Les gens ont besoin de s'évader, le siècle romantique, le monde du spectacle, le carnaval. Vous tapez dans le mille, Carnet. Votre truc de la lanterne magique dont vous m'aviez parlé l'autre jour, non. Mais là, je dis banco. Ah, je tiens à vous prévenir. Le film sera long, 2h30, voire un peu plus. C'est une grande fresque, avec beaucoup de personnages, de décors, d'intrigues croisées. Il faut du temps, de la durée pour installer tout ça. Et vous l'aurez. Il faut viser haut et faire des films ambitieux, défendre l'originalité française. Divertir, c'est ce qu'on attend de nous. J'ai les moyens et mon partenaire italien me suivra sans problème. 2h30, vous dites? Et pourquoi vous ne le feriez pas en deux parties, deux époques? Pourquoi pas? Un film long coûte plus cher et ne rapporte pas plus d'argent. Mais je tiens à ce que ce film soit projeté en entier. Au moins les premières semaines, pendant la période d'exclusivité. Entendu. À condition d'augmenter le prix du billet pour compenser les séances perdues. Bon, on réglera ça plus tard. Je vais vous faire préparer un contrat, ainsi qu'un Prévert, pour que vous puissiez vous y mettre sans tarder. Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration. Ce sera la plus grosse production de la guerre. Un bel argument de vente. Et attention, il faudra tenir les délais. Ah, Comptez sur moi, monsieur Polvé. Printemps 1943. Une bâtisse discrète dans l'arrière-pays niçois, près du village de Tourette-sur-Loup, en zone sous occupation italienne. Marcel Carnet y rejoint Jacques Prévert, qui cache le décorateur Alexandre Troner et le compositeur Joseph Kosma. D'origine hongroise, tous deux sont interdits de travail, car juifs, et menacés d'être arrêtés à tout moment sur dénonciation. Depuis 2 mois, l'équipe, réunie dans cet ancien prieuré, se consacre à la préparation du film qui s'intitule pour le moment « Funambule ». Alors Marcel, t'as fait bon voyage ? T'as bien vérifié que personne ne te suivait depuis Tourette ? Oui Jacques, j'ai été prudent. Chaque fois que je monte ici, ça me rappelle les visiteurs du soir. On avait tourné quelques scènes dans le coin. Bel endroit. Beau et tranquille surtout. On peut surveiller les environs. Et il y a une sortie derrière qui donne sur les champs d'oliviers. Ah. Cette bastide, c'est un peu notre retraite de contrebandier du 7e art. Moitié couvent, moitié synagogue. Ils travaillent en parfaite communion. Il est où, Troner ? Ah ! Alexandre, te voilà. Ah, Marcel. Comment ça va ? Tu tiens le coup ? Oh, pas le temps de se faire du mouron, hein. On travaille beaucoup. Et on rigole bien aussi, avec Jacques. Ah. Attends, je vais te montrer mes dernières maquettes. Les aquarelles sont sèches. Ah oui. Là, c'est le grand hall, chez le comte. Avec son immense escalier. C'est tout à fait ça. Les bains turcs. Je me suis inspiré de ceux que j'ai connus gamin à Budapest. L'image, ce sera superbe. Ça rend bien en couleur. Hein. C'est magnifique. Le boulevard du crime. C'est presque fini. Ça te donne une idée des perspectives. On va tricher. Et avec le trompe-l'œil, les spectateurs n'y verront que du feu. Très bien. Bon, comme mon cher Alexandre, tu pourras pas superviser la construction. C'est Léon Barsac, le chef d'écho, tu le connais, je crois. Oui. Il sera tes mains et tes jambes. Je passerai bientôt te voir. Assure-toi qu'il me laisse suffisamment de largeur sur le boulevard. J'ai un carnaval à faire passer, des attractions, des voitures à cheval. On est large, large. Mais sur le planning, on l'est pas, Alexandre. Le tournage est prévu pour août. Combien de temps prendra la construction, d'après toi ? 2 mois. Bien. Faut que je regarde aussi où on est maillot avec les costumes. Ah ! Et les contrats des comédiens avec la production. Allez, souffle un peu, Marcel. Tu vois bien, on accouche facile ici. Une vraie maternité. Montre-moi où t'en es, toi, avec tes dialogues. Tu sais que je les attends pour avancer sur le découpage technique. Ah, voilà le perfectionniste enragé de retour. J'ai juste un gros film sur les épaules. C'est quoi, là, dans la marge ? Dernière nouvelle, Jésus-Christ est parti sans laisser d'adresse. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, là ? C'est dans le scénario ? Mais non, Marcel, tu me connais, je blague. Je mets plein de trucs dans mes textes, des facéties, ce que j'appelle mes griffouillis. Ne fais pas trop le malin, il faut rester concentré. J'attends ta partition pour la mettre en musique. À propos de musique, Cosma n'est pas là, il se loigne pas trop, j'espère. Rassure-toi, il est pas loin. Parti travailler chez Georges Mouquet, le chef d'orchestre. J'ai toute confiance en lui. Joseph nous rejoint demain matin. Il est temps, son piano le réclame. On l'entend sangloter la nuit. Des trilles dodécaphoniques à vous foutre les chocottes. Et arrêtez ça tout de suite, les gars. Je dors ici, moi, ce soir. Monsieur ne dort pas dans son palace, au Negresco ? Oh, et oh, ça va, hein. Bien obligé de temps en temps. C'est là que descendent les producteurs et c'est là que les décisions se prennent. Allô ? Allô, Arlette ? Alors, comment ça s'est passé avec Paul V, vous avez signé ? Ben, le bonhomme est charmant, attentionné, mais... Mais quand il s'agit de parler de gros sous, je voyais bien que le cachet lui restait en travers de la gorge. Ah. Tout de même, cher Arletti, il y a un salaire à 7 chiffres pour 10 semaines de tournage. J'ai dû insister. Comment ça ? Ben, je lui ai dit, pour une fois, je serais mieux payé que ces messieurs, et j'ai des relations. Vous me voulez ou pas ? Si la réponse est oui, il faut y mettre le prix. Il a canné. Ah. Tant mieux, parce que je tenais absolument à le faire, ton film, tu sais, Marcel. Ah, pour ce rôle, je voyais personne d'autre que toi. Garance. C'est un peu toutes les femmes à la fois. Mmh. Une fleur et un fruit. Et le scénario de Jack est une merveille. Depuis juin 1943, sur le terrain des studios de la Victorine, dans la banlieue ouest de Nice, s'élève le décor du boulevard du crime, magnifique, avec ses 30 façades de théâtre, cafés, boutiques, terrasses. Ce décor nécessite 35 tonnes d'échafaudage, 350 tonnes de plâtre, 300 fenêtres. Il faut se débrouiller à chaque fois pour trouver les matériaux nécessaires, un tour de force sous l'occupation. On fait appel au marché noir. Les décorateurs redoublent d'astuces. On enduit des canisses de roseaux pour remplacer le contreplaqué devenu rare. Le boulevard enfin prend forme, mais il n'est toujours pas fini. Et le temps file. Si j'avais vu un peu trop grand. J'ai une confiance totale en Tronner. Mais Barsac, c'est un immense échafaudage, ce film. Peu importe les difficultés, il faut avancer. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là-haut? C'est quoi ce travail? Le délassement comique est illisible de loin. Pour faire le lettrage en plus foncé. Aura-t-on fini le décor à temps? Le tournage est dans une semaine. Vous, là, oui. Une semaine. Redressez-moi cette arme. Voyez bien qu'il penche. Je ne vais pas encore bouleverser mon plan de travail. En même temps, il me tarde de lancer le premier moteur. Alors, raconte, Jack. Comment ça se passe en bas, les derniers préparatifs? Bah, Marcel dirige son monde, toujours impeccable, dans son costume tiré à quatre épingles. Le boulevard du crime a une sacrée gueule. J'ai vu. Barsac m'a apporté des photos. Je suis content du résultat, de l'atmosphère que ça dégage. C'est le plus gros décor extérieur que j'ai jamais fait. Recréer la grisaille de Paris sous le ciel du midi, c'était un vrai défi. Le chantier a pris un peu de retard. Alors on va commencer par tourner des scènes en intérieur, à l'auberge du Grand Relais. Oh, j'aimerais tellement voir ça. Et les finitions, les décorateurs sur leurs échelles, même de loin aux jumelles. Mais c'est trop risqué. Ah oui, pas de blague, Alex. La Victorine est très fréquentée. Il y a des rafles. Tu sais, Jacques, pourquoi j'ai décidé de rester en France malgré tout? Parce qu'on s'entend tellement bien que tu peux pas te passer de ma pomme. Ah ça, oui. Je veux pas m'enfuir encore une fois, tu comprends? Revivre la même cavale qu'en Hongrie. Je me sens bien dans cette maison, à l'abri. On forme une espèce de famille, toi et Claudie, Marcel, Joseph et Lily, Maillot, Madeleine et ceux qui sont dans la confidence. C'est vrai, mais faut pas baisser la garde. T'as mangé? Pas vraiment. La production a mis le paquet sur les décors, pas dans les gamelles. Mais je suis passé à la ferme d'à côté. J'ai ramené des œufs et du pâté. Il nous reste quelques bouteilles. Je vais en ouvrir une, tiens. Ça va faire venir les autres. Bonne idée. Le tournage débute le 16 août 1943 à la Victorine. Deux semaines plus tard, les troupes anglo-américaines s'approchent de Naples après leur débarquement en Sicile. Mussolini est renversé. Le 8 septembre, le gouvernement italien signe un armistice avec les Alliés. En France, le retrait italien des Alpes-Maritimes provoque l'occupation allemande de toute la zone sud et la situation s'aggrave pour les Juifs. Ce retournement de situation compromet aussi les activités économiques des entreprises italiennes en France et de leurs partenaires. T'as appris la nouvelle? L'armistice en Italie. Ça commence à sentir le roussi pour le moustachu hystérique dans son nid d'aigle. Attends, c'est pas encore gagné. Les troupes allemandes vont pas lâcher la péninsule comme ça. Ah, je vais vous chercher. C'est terrible, terrible. Bah quoi? Nos partenaires italiens, ils viennent de rentrer précipitamment à Rome. Tout le monde imagine déjà les Américains dans la baie des Anges. C'est l'affolement général. On a perdu nos coproducteurs? Si c'était que ça. On me retire l'agrément et je ne peux plus produire le film. C'est la catastrophe. Le tournage doit s'arrêter. J'ai déjà investi 15 millions. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, je viens de recevoir un télégramme de Vichy. Ils exigent que l'équipe rentre séance tenante à Paris avec tout le matériel et la pellicule. Quoi? Ah non. Je vais les appeler, essayer de temporiser. Qu'ils nous laissent encore une semaine. Pour le reste, on trouvera une solution. Ils sont catégoriques. Vous devez rentrer immédiatement. Et je ne peux rien y faire. Monsieur Carnet. Bonjour. Monsieur Polvet, monsieur Prévert, je suis passé au Negresco pour chercher mademoiselle Arletty, elle y était plus. Le concierge l'a vu partir avec ses bagages, et aussi monsieur Barreau. Tenez, monsieur Carnet, elle vous a laissé un mot. Merci, Georges. Les nouvelles vont vite. Marcel, tout va trop vite, une garance qui vous doit tout, Arletty. La belle s'enfuit en wagon-lit, rejoindre son bel officier à Paris. C'est la débandade. Dans les jours qui suivent, Marcel Carnet, rentré à Paris, fait tout pour sauver son film. Il est le seul à y croire encore. Pour beaucoup, le film est perdu. Après deux mois de tractation, Pathé Cinéma accepte finalement de reprendre les contrats et le tournage, moyennant des efforts financiers de la part de l'équipe. Alexandre Troner et Joseph Cosma, leur création achevée, restent cachés dans les Alpes-Maritimes. À Paris, en ce glacial hiver 1943-1944, le tournage reprend, d'abord au studio Francoeur, où il a fallu reconstruire tout l'intérieur du Grand Théâtre et celui des Funambules, puis au studio Pathé de Joinville. Les interruptions sont nombreuses, la pellicule rationnée. Dans l'équipe technique, se côtoient 11 heures par jour, juifs clandestins, réfractaires au STO, résistants et partisans de l'Allemagne nazie. Quelle ambiance! La suspicion, le rationnement, le froid, la faim. L'autre jour, après la scène du dîner entre Frédéric Lemaître et Lassner, j'ai vu des machinots se jeter sur les restes de poulet. Quand le ventre est vide, la tête ne suit plus. Je vois bien qu'il y a du relâchement, de la mauvaise volonté quand les prix s'éternisent. Chacun se méfie de son voisin. Cela m'oblige à une vigilance de tous les instants. Tenir la barre quoi qu'il arrive. Pour défendre le film, je suis prêt à tout, un vrai bulldog. Je demande le maximum à tout le monde, comédien et technicien. Ce tournage l'exige. Je suis sur les nerfs. Vichy me harcèle avec ses tracasseries administratives. Je dois ruser pour qu'on ne m'impose pas des figurants collabos. Seule bonne nouvelle, Arletty est revenu sur le plateau. Silence demandé. Le rouge est dit. Moteur. 4000. Ça tourne. Je vous en prie. Ne soyez pas triste, ça me serre le cœur. Triste? Moi? Mais je suis gay comme un pinson. J'aime votre rire. Moi aussi, je l'aime. Sans lui, qu'est-ce que je deviendrais? Coupez, coupez, coupez! Tout le monde en a pris, on reprend dès que possible. Pas vrai, c'est pas vrai. La troisième alerte en deux jours. Georges, faudrait recoiffer et remaquiller les acteurs pour les raccords. Moi, je mets les bobines en lieu sûr. D'accord, patron. Meilleur dans les caves. C'est ici qu'on devrait installer les loges. Climat tempéré, confort modéré. Ce tournage, c'est un exploit. Comment il tient, Carlo? Ça, je me le demande. Faut une santé de fer pour diriger un vaisseau pareil. Moi, je fais ce que je peux pour l'aider. J'adapte mes dialogues à la situation. Avec tous ces contrôles, ces dénonciations. T'as vu l'autre jour la descente de police? Le directeur de production qui s'enfuit par le magasin des costumes. Ouais. Il paraît que le type fait partie d'un réseau de résistants. À chaque fois, Carnet doit trouver des solutions. Et presque toujours, il réussit à obtenir les autorisations. Ah, pour ça, j'ai cru comprendre que la fille de Pierre Laval, José, l'amie d'Arletty, y est pour quelque chose. Ah bon? Oui. Pourtant, l'équipe n'a pas du tout l'esprit Vichy. Regarde, Carnet, Salou, Errant, c'est un secret de polichinelle, ils préfèrent les hommes, moralité douteuse. Cosma et Troner, des juifs hongrois. Arletty qui défend l'amour libre. Maria Cazares, une fille de républicain espagnol. Brasseur et moi, on soutient pas vraiment le maréchal. On me l'a clairement reproché avec le soulier de Claudel il y a quelques semaines. Et moi, l'ancien anard du groupe Octobre, si tu crois que je vaux mieux. Tu vois, c'est notre manière à nous de résister à la morosité ambiante, au défaitisme. L'art face aux armes et aux larmes. C'est la force de ce film. J'espère qu'il ira au bout. Moi aussi. Entre-temps, à Nice, une tempête hivernale a détruit une partie des décors extérieurs du boulevard du crime. Le tournage se poursuit donc à Paris, mais coup sur coup, deux événements vont encore bouleverser la réalisation du film. Et voilà! Plus de jus, plus de projo, plus de lumière! Ça devient critique avec le peu de pellicule qu'on a. Je peux pas, moi, tourner une scène en deux prises. Bon, allez, on fait la pause, en attendant le retour du courant. Mademoiselle Arletty vous demande dans sa loge, monsieur Carnet. C'est important. Qu'est-ce qui n'est pas important en ce moment, Baudouin, hein? Bon, passez-moi votre torche, Georges. Tenez. Merci. On n'y voit rien dans ces couloirs. Arlette? Entre, Marcel. T'as vu? C'est joli avec les chandelles. On se croirait à l'époque du film. Ferme la porte. Tu m'inquiètes, Arlette. Qu'est-ce qui se passe? On se connaît depuis assez longtemps, Marcel, pour dire les choses en face, n'est-ce pas? Oui, naturellement. Alors voilà, je suis enceinte. Quoi? Ça se voit pas trop encore, mais... J'ai besoin de m'asseoir. Ça tombe au pire moment, tu sais. Avec toute l'admiration que j'ai pour l'actrice et pour la femme... Je sais, c'est pas le moment. Jamais le moment pour moi. Mes seuls enfants, ce sont les films qu'on a fait ensemble. Mais voilà, c'est arrivé. C'est là et je vais pas le garder. C'est une opération clandestine et dangereuse. Si t'arrives quoi que ce soit, le film est foutu, on pourra jamais... C'est pas la première fois. Je connais les risques. La personne qui fait ça est sérieuse. Je suis désolée, Marcel, du fond du cœur. Je vais tout faire pour revenir en forme, mais ce sera sans moi les deux prochaines semaines. Très bien. Je vais modifier le plan de travail. Pas un mot à la production ni à l'équipe. Compte sur toi, hein, Jacques, moi, tout le monde. Ah, c'est le courant est revenu. Je retourne au plateau. À tout à l'heure, Arlette. À tout à l'heure, Marcel. Georges. Monsieur Carnet. Georges, venez voir. J'ai vu Arletty. Elle sera indisposée pendant 2 semaines. C'est vrai que Garance, enfin je veux dire, mademoiselle Arletty, m'a paru un peu fatiguée ces temps-ci, les traits tirés, même sous le maquillage. Ça pourrait se voir à l'écran. Rien de grave. Non, non, mais il faut se rendre à l'évidence. Nous allons devoir changer l'ordre des scènes dès demain. On va tourner à nouveau avec Maria Cazares. Prévenez-la. J'espère que ça se passera mieux que la dernière fois. Elle n'est pas facile. Allô, Jacques? Oui? On a un nouveau souci. Cette fois, c'est le Vigan. Quoi, le Vigan? Il n'est plus dans les parages, il a filé en douce. Hein? Et où? Loin. Sans doute en Allemagne. Tu connais ses opinions. Il a reçu des menaces de mort, il a pris peur et la poudre des scampettes. On va devoir retourner ses scènes avec un autre comédien. Pour le rôle de Jéricho, le marchand d'habits? Laisse-moi réfléchir. Attends. Ah si, je sais, Renoir, le frère, Pierre. Oui. Un rôle sombre, il saura l'interpréter. Ah. En moins halluciné que le Vigan, mais bien. Très bien. Il peut reprendre le rôle au pied levé. Je l'appelle. Lorsqu'en février 1944, l'équipe revient à Nice à la Victorine pour y achever le tournage des scènes en extérieur, les décors endommagés finissent d'être remis en état. Le tournage reprend, mais les conditions restent précaires. Les scènes de nuit prévues montrant le boulevard illuminé ne peuvent être tournées en raison du couvre-feu strict imposé par l'occupant allemand. Marcel Carnet doit se résoudre à faire des raccords à Paris au studio de Joinville. Du fait des multiples interruptions, surcoûts et incidents, le budget du film a doublé, passant de 26 à 57 millions de francs, une somme colossale à l'époque. Pathé s'inquiète, rechigne à financer les 1800 figurants demandés pour la scène finale du carnaval, mais le réalisateur tient bon. La production a grincé des dents, mais j'ai fini par obtenir ce que je voulais. L'effet de foule est réussi. Tous les figurants ont joué le jeu. Heureux de danser sous une pluie de confettis après 4 ans d'interdiction de carnaval à Nice. Mais un drame a gâché la fête. Un régisseur m'a prévenu qu'un des figurants était demandé à l'entrée des studios parce que sa femme avait eu, paraît-il, un grave accident. Méfiant, je lui ai dit de leur dire qu'il ne s'était pas présenté ce matin, mais les gars ont insisté. Ils ont dit qu'elle était mourante. J'ai fini par céder. En réalité, c'était 2 flics au service de la Gestapo. Ils ont arrêté le type. Je me sens mal. Irresponsable. Le tournage s'achève enfin le 14 avril 1944. L'orchestration musicale est enregistrée sans Joseph Kosma, qui, toujours menacé par la Gestapo, rejoint un peu avant l'été le maquis en Haute-Provence. Alexandre Troner ne va pas tarder à en faire autant. Salut Alex. Jacques. Ah, je suis content de te retrouver dans ce bon vieux prieuré. Il y a une sale ambiance à Paname, tu sais. Style fin de règne. Mais ça y est, le film est dans la boîte. Marcel va commencer le montage. Il y en a pour... Mais qu'est-ce qui se passe? T'as la tête des mauvais jours. Rien ne t'échappe, Jacques. Oui, il s'est passé quelque chose, mardi. On marchait dans la campagne avec les amis du village, quand on est tombé par hasard sur une patrouille allemande. Ils nous ont pris pour des maquisards et ils ont tiré. On a couru, je l'ai échappé de justesse, mais... Pas Vincent, ni 2 de ses copains. Quoi? Vincent, le Corse? Le compagnon de notre logeuse? Non. Je ne me sens plus en sécurité ici, à Tourette. Il faut que je parte me cacher. Dans la montagne, on m'a proposé un refuge. On se verra moins pendant quelques temps. Je comprends. Ça vaut mieux. Tu pars quand? Demain. À Paris, Marcel Carnet s'enferme pour plusieurs mois afin de monter les deux époques des Enfants du Paradis, soit plus de 5000 mètres de pellicule et autant de bandes sonores, pour une durée totale de 3 heures et 10 minutes. On retire ce plan. C'est l'une des grandes leçons que j'ai apprises de mes films. Fuir le pittoresque, rechercher la rigueur, un certain dépouillement. C'est comme ça que les œuvres résistent au temps. On continue, Madeleine. Allez-y, déroulez la pellicule. Stop. Là, oui. Ce plan-là aussi. On coupe. La scène est trop équivoque. Au visionnage, je me rends compte que la relation entre Lassner et son ami Avril doit garder son mystère. Il ne faut pas trop en dire. Relancez, Madeleine. Georges. Oui. Refais-nous du café. Oui, d'accord. Il faut faire traîner le montage le plus possible. Tous les prétextes sont bons. Très bien, mais je leur dis quoi à la production? Je sais pas, Baudouin. Tiens, invoque la pénurie des transports. Les pannes électriques. Pannes électriques, ok. Dis-leur qu'on recherche des effets sonores particuliers. Je veux que Les Enfants du Paradis soient le premier grand film de la France libérée. Tu comprends? Oui, très bien. Le sourire de Garance, famille libre et indépendante. Ce sera un peu celui de la France. Le 20 août 1944, au matin, débute le soulèvement de la capitale. Arletty, qui a entendu son nom sur la liste des condamnés sur Radio Alger, à cause de sa liaison avec l'officier Hans Zöring, se sent menacée. Alors qu'elle est chez elle, les fenêtres de son salon volent en éclats. Effrayée, elle quitte son appartement du quai de Conti en emportant ses économies dans un sac et file à vélo se réfugier chez Georges Baudouin, l'assistant de Marcel Carnet, rue Fontaine. C'est l'insurrection. Ça canarde de partout. Ils ont mitraillé mes fenêtres, tu te rends compte? Un avertissement. Alors j'ai été prise de panique et me voici. J'ai refusé de quitter Paris malgré l'insistance d'Otto Abetz, l'ambassadeur. J'ai eu toutes les occasions, tu sais. Hein. Mais non, jamais. Je préfère être tuée dans mon propre pays. Faut pas dire ça, mademoiselle Arletty, ça n'arrivera pas. Pas à vous, pas à Garance. C'était sans doute que des balles perdues. Vous serez en sécurité ici. Personne n'imaginera que vous êtes là. Avec votre foulard et vos lunettes, on vous reconnaît pas. Je suis solide, tu le sais, Georges. Mais ça m'a secouée. Depuis quelques semaines, après avoir été la femme la plus invitée de Paris, je suis la femme la plus évitée. Et maintenant, on me tire dessus comme au champ de foire. Ah, je te jure, on s'en souviendra de cette planète. Après la libération de Paris le 25 août 44, les Enfants du Paradis sont toujours en montage. Des comités d'épuration voient le jour un peu partout. Marcel Carnet, bien qu'il soit sur la liste des réalisateurs à avoir signé avec la Continentale allemande, ne reçoit qu'un blâme. Il est le seul à n'avoir pas honoré son contrat. Arletty est arrêtée le 20 octobre et astreinte à résidence surveillée pour 18 mois. Elle ne pourra pas assister à la première du film, qui est donnée le 9 mars 1945 au Palais de Chaillot. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il suffit d'un rien, d'un incident. La salle est pleine à craquer. J'entends la respiration du public. C'est calme. Trop calme. J'ai bien fait d'insister pour que les deux époques du film soient projetées à la suite. Les 3h40 d'Autant n'emporte le vent n'ont posé aucun problème que je sache. Dès que ça vient d'Hollywood, encore 30 minutes. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils quittent la salle? C'est raté. Un fiasco. Marcel, t'en tires une bombe? T'inquiète pas. Ceux qui se barrent, c'est pas parce qu'ils aiment pas notre film, c'est qu'ils veulent pas rater le dernier métro. Tout le monde a pas les moyens comme toi de se payer le taxi. Eh ben voilà, Jacques. Encore une sacrée aventure. On va enfin pouvoir souffler. Le film va vivre sa vie. Il n'est plus à nous maintenant. C'est toujours bizarre, comme si on rendait les clés, hein? On promène Taco? Tu descendras le premier. Et Jacques Feder, qui m'a tout appris, ou presque, dans le métier. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Non. C'est pas mal. Juste, C'est pas mal. Tu te rends compte? Toutes ces emmerdes, cette folie, 2 ans de sa vie pour s'entendre dire ça? Écoute Marcel, les Jouvet, les Feder, c'est rien que des jaloux. Ils t'en veulent d'avoir osé continuer à faire ton métier ici, contre vents et marées. Et moi, dans ces moments-là, je pense à Garance, qui dit à Baptiste... Même dans mes rêves, toujours. Vous m'avez aidé à vivre pendant des années. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Tu n'as pas le droit d'être triste. Je trouvais ma vie tellement vide. Et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimée. Je vous aime encore. Je n'ai jamais cessé. Et vous, Garance, aimez-vous. ...1943-1944, Marcel Carné et le tournage des Enfants du Paradis de Pierre Lorimi, avec Marcel Carné, Charlie Fournier, Jacques Prévert, Gabriel Dufay, Jean-Louis Barrault, Denis Herrier, Alexandre Tronner, Yvan Cory, André Polvé, Philippe Bautier, Arletti, Émilie Incerti-Formentini, Georges Baudouin, Thomas Sagols, bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Marie Le Peintre et Dofar Guéride, assistante à la réalisation Anissa Zidna, réalisation Christophe Hoquet. Philippe Morisson, nous avons donc quitté Marcel Carné et Jacques Prévert sur le parvis du Trocadéro, Paris, 9 mars 1945, comme si on y était. Il sort de la projection de la première des Enfants du Paradis. C'est la fin d'une aventure et le début d'une autre. Le film va vivre sa vie et connaître un succès immense en France et à l'étranger. Oui, voilà. Dès sa sortie, le film va être un énorme succès. À l'époque, il faut savoir que quand les films sortent en France, ils sortent à Paris que dans 2 salles. Qui seront le Madeleine Cinéma et le Colisée. Et le film va tenir l'affiche à Madeleine pendant 1 an, malgré sa durée, le prix des places qui a doublé. Et les gens sont encore dans le rationnement. Et hein, oui, les voilà, donc il faut se mettre dans ce contexte-là. Mais avec peut-être une envie, une grande envie de vivre, de voir des beaux films. Oui, voilà, ce film, on sait que, donc, il sort, vous l'avez dit, en mars 1945. Paris a été libéré en août 1944. Ouais. Donc 6 mois avant, un peu plus. Et donc on imagine la soif de liberté et d'espoir que peut représenter un film pareil. Alors ce film, donc, c'est l'œuvre d'abord de Marcel Carné. Hein. Il faut quand même bien lui rendre cet hommage. C'est un homme tenace, parfois autoritaire, qui s'est battu vraiment jusqu'au bout pour son film, même en refusant de voir ce qui se passait ailleurs. Mais quand même, il a réussi son objectif. Je pense pour réussir un film aussi ambitieux pendant la guerre, je pense qu'il fallait être vraiment très... Tenace, autoritaire sans doute, et parce que donc on l'a dit en début d'émission, mais Carné c'était un petit monsieur, il était pas très grand, complexé sans doute, et puis qu'il fallait se faire respecter sur un plateau comme il était jeune. Il faisait jeune, donc je pense que ça ne devait pas être évident pour lui, et que du coup, c'est pour ça qu'il compensait par peut-être une dureté sur les plateaux. Oui, passer pour un tyran. Oui, oui. Je vous propose de l'écouter, Marcel Carné, interviewé en 1975 par Philippe Hainaut, à propos des Enfants du Paradis. Et ma foi, ça s'est très bien passé. Je vous dis, on n'a pas eu... C'est très singulier pour ce film, d'une importance matérielle considérable. On n'a pas éprouvé tellement de difficultés. C'est très curieux, ça... Finalement, à y bien réfléchir, on n'aurait dû jamais aller jusqu'au bout. Et tout s'est déroulé, enfin, avec les incidents qui tenaient à l'occupation, au tracas que pouvait nous occasionner l'occupant, nous demandant de prendre tels éléments collaborateurs pro-allemands et tout ça, dans les figurants. En ce qui concerne le travail, ça vraiment, il n'y a pas une grande difficulté. Mais je tiens à le dire. Et ça confirme tout ce que j'ai dit jusqu'ici, que je le dois en grande partie à une équipe technique absolument de premier ordre. C'est un travail collectif, hein, c'est ce que dit Marcel Carné. Il a eu une équipe formidable, il parle des techniciens, il parle des interprètes, mais il parle aussi, enfin, à d'autres occasions, il l'a dit, c'est quand même la rencontre, ce film, d'un quatuor exceptionnel, donc Carné, Jacques Prévert, Alexandre Tronner, le décorateur, et Joseph Cosma, le compositeur. C'est l'apothéose un peu de la collaboration entre ces quatre personnage, j'allais dire. Marcel Carné dit il n'y a pas eu de grandes difficultés. Bon, il a une vision assez bonhomme. Là, on est en 1975, il a peut-être un peu oublié. Mais quand même, ce tournage a été réalisé dans des conditions à haut risque. Hein, puisque, par exemple, Joseph Kosma et Alexandre Tronner, ils sont tous les deux juifs d'origine hongroise. Ils doivent travailler cachés dans une maison dans les montagnes au-dessus de Nice. Cela menace une descente de police. D'ailleurs, il y en a une, il le raconte. Oui, comme dans la fiction. Ouais, il y a un homme qui meurt. Quand même, voilà, on l'évoque, et c'était effectivement le propriétaire du prieuré là où ils habitaient. Donc Alexandre Tronner, Joseph Kosma risquent leur vie en travaillant pour ce film, et en même temps, Marcel Carné aussi prend des risques, puisqu'il les emploie, mais il tient à eux, j'imagine. Je vous propose d'écouter le décorateur, justement, Alexandre Tronner, raconter en 1991 les circonstances très particulières de ce tournage. Les Enfants du Paradis, c'est un peu aventureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des choses s'achetaient au marché noir à cette époque, même pour les grandes sociétés, pour trouver des clous, du bois, etc. Si on attendait l'acheminement normal qui passait par des bureaux et par des offices, on n'aurait jamais fait le film. C'était en période d'inflation. En réalité, les Enfants du Paradis étaient commandés par des Italiens. C'était la société Scalera qui, avec Paul V, commençait le film. C'était associé. Et pendant le tournage, l'Italie a fini sa petite guerre, comme il s'est rendu. Quand les Italiens sont partis à travers la frontière, la seule chose qu'ils ont oubliée, c'est le négatif. C'est comme ça que le film pouvait terminer, parce que le négatif était intact. Et la maison Pathé a mis longtemps pour retrouver des gens, pour faire les tractations avec l'Italie, et pour remonter l'affaire et pour terminer l'affaire. Donc Alexandre Tronner, interviewé en 1991, il mourra je crois 2-3 ans après, il dit oui c'était un tournage aventureux avec son joli accent. C'est aventureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et puis donc le marché noir, le rationnement, les coupures d'électricité, les tissus introuvables, les éléments de décor qu'il faut surveiller, vous me disiez, Philippe Morisson. Parce que... Oui, et puis il y a un nouveau métier qui est apparu pendant ces années-là, c'est le redresseur de clous. C'est-à-dire que pour économiser les clous, une fois qu'on s'en était occupé pour les décors, il fallait les redresser pour les réutiliser. Donc c'est un nouveau métier. Ah oui, parce que c'était cher les clous à ce moment-là. Oui. L'obligation aussi d'embaucher des figurants qui appartiennent à un syndicat de la collaboration, le directeur de production qui est un chef d'un réseau de la résistance, il faut négocier avec les Allemands quand il y a un couvre-feu. Alexandre Tronner dit aussi une chose importante dans cette interview, il dit que le film a été produit donc par André Paul V, mais aussi avec un financement italien, donc une société, les frères Scalera, soutenue quand même par le gouvernement fasciste Mussolini. Donc Carné, effectivement, a échappé à la continentale allemande, mais est-ce qu'il a malgré tout dû subir quand même une pression de la part de cette société italienne? De ce qu'on sait, non, pas de pression particulière. Et il faut dire que c'était son producteur qui a démarré le projet des Enfants du Paradis, c'est André Paul V, qui avait sa société qui s'appelait Dicina, et qui était donc associé avec les Scalera. Et donc, Paul V l'avait le laissé complètement libre, parce que c'est grâce à Paul V que Carné avait pu faire Les Visiteurs du Soir, le grand succès de l'année précédente. Ce qui est fascinant quand même dans ce film, Philippe Morisson, nous sommes en plein dans l'occupation, ce film, c'est une super production, au départ 26 millions de francs, au bout du compte l'addition s'élèvera à 55 millions, le cachet d'Arletty est initialement de 800 000 francs, finalement elle touchera plus de 7 millions de francs pour ce film. C'est assez hallucinant dans ce contexte de l'occupation, pour ne pas dire choquant d'ailleurs. On ne sait pas comment ça a pu se faire. Enfin, moi, je ne comprends pas comment ils ont pu avoir cette ambition de le faire dans ces conditions, avec tout ce que vous avez évoqué au niveau rationnement, difficultés politiques, économiques. Je ne sais pas comment ils ont fait. Bah, je pense que c'est toute la grandeur du cinéma français de cette époque-là, c'est d'avoir. Parce que. Il faut savoir, pendant la guerre, il y a eu des très grands films qui ont été faits. Même si c'était la guerre, il y a de très grands films français qui ont été produits et qui restent toujours des classiques. À la fin de la fiction, Jacques Prévert reprend les mots de Garance qui répond à Baptiste. « Vous m'avez aidé à vivre pendant des années, vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. » Pour Prévert, ça a l'air d'être un peu une justification politique du film. Est-ce que c'est pas un petit peu une interprétation exagérée? Ça, c'est tout le problème. Quand on voit ce film et qu'on essaie d'interpréter ou de surinterpréter avec le décalage qui est le nôtre. Voilà. Moi, je le peut-être je le prendrais plus comme le cinéma français qui a pu aider les Français pendant la guerre à survivre à cette période très sombre, et avec tous ces grands films qui ont été tournés pendant ces 4 ans d'occupation. Merci beaucoup Philippe Morisson. Je remercie également Paul Laporte qui a réalisé cette émission, assisté de Frédéric Martin à la technique, Romain Leborgne. Pour aller plus loin sur le sujet de Marcel Carné et des Enfants du Paradis, je conseille la consultation du site hommage au réalisateur que vous avez créé, Philippe Morisson, www.marcel-carné.com, et à lire de vous, Philippe Morisson, coécrit avec Jean-Pierre Jeunet et N.T. Bin, Les magiciens du cinéma, Carné, Prévert, Trône, édité aux Arènes, et bien sûr l'autobiographie de Marcel Carné, très réjouissante, Ma vie à belles dents, mémoire, publiée à l'Archipel en 96. C'est la fin pour aujourd'hui d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site radiofrance.fr où j'attends vos commentaires avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à New York en 1939, très exactement au Café Society. C'est dans ce club de Greenwich Village où noirs et blancs viennent ensemble écouter du jazz que la chanteuse Billie Holiday a chanté pour la première fois Strange Fruit, sa célèbre chanson écrite par Abel Meyer qui dénonce le racisme et le lynchage des Noirs aux États-Unis. Strange Fruit, la chanson manifeste de Billie Holiday, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.